qu'il a choisi. Tu parais que tu m'aimes, non? C'est exactement le métier que tu voulais exercer, non? Ce n'est pas le métier qui me gêne, mais l'emploi. Même que parfois on fait pas le métier qu'on aime, mais plutôt qu'on aime aucun métier, à part chanteur, musicien, artiste ou bohème. À qui la faute me direz-vous? Papa, maman, ou plutôt non, je prends mes responsabilités. Je suis comme ça depuis tout petit, courageux sans l'être. Même que parfois on ne fait pas le métier qu'on aime, mais plutôt qu'on aime aucun métier, à part chanteur, musicien ou artiste, ou encore bohème. Toute autre activité nous fait gerber, toute autre activité nous fait gerber. Avancer n'a pas le droit.